Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, à l'écoute de Radio Ndelagakura. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les grands titres. Le président du Sénat burundais a reçu en audience ce mercredi l'ambassadeur du Royaume britannique au Burundi, résident au Rwanda. Le président du Sénat lui a demandé d'être un ambassadeur du Burundi auprès des pays de l'Union européenne. La sixième conférence des pays de la communauté est-africaine qui se tiendra prochainement à Bujumbura sur la recherche en santé publique sera une grande opportunité pour les Burundais d'exposer leurs produits du secteur sanitaire. Le président du comité de pilotage de cette conférence demande aux opérateurs économiques burundais de s'y préparer à temps afin de profiter au mieux de cette conférence. La régie des eaux annonce une probable pénurie du courant électrique due à la baisse du niveau de l'eau si rien n'est fait à partir du mois de mars. Selon le directeur général de la régie des eaux, cela entraînera impérativement le délestage du courant pendant quelques jours. Courte transition et c'est le développement des titres. Encore une fois, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, à l'écoute de Radio Ndelagakura. La mise en onde est assurée par Pierre Claver Nzindukiye. Le président du Sénat, Révérien Dikuriyo, a reçu en audience ce mercredi l'ambassadeur du Royaume britannique au Burundi, résident au Rwanda, William Gelling. Selon le porte-parole du président du Sénat, Stella Odiliganya, ces deux personnalités ont essentiellement échangé sur les stratégies de renforcement de la paix et de la sécurité au Burundi. D'après toujours Stella Odiliganya, le président du Sénat a demandé à l'ambassadeur William Gelling d'être un bon ambassadeur du Burundi auprès des pays de l'Union européenne. Stella Odiliganya, c'est la chargée de la communication au Sénat du Burundi. Ils ont échangé sur l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Burundi, une situation qui a été appréciée par l'ambassadeur William Gelling et a encouragé le Parlement burundais à aller vers l'avant dans le domaine de sensibiliser et d'échanger avec les populations sur les stratégies de renforcement de la paix et de la sécurité. Le très honorable président du Sénat du Burundi a demandé à l'ambassadeur William Gelling d'être un bon ambassadeur vers les pays de l'Union européenne qui souvent n'apprécient pas l'étape déjà franchie par le Burundi dans le domaine de retour de la paix et de la sécurité. Il a promis de transmettre le message à son pays et espère qu'au fur et à mesure, les pays de l'Union européenne pourront comprendre. L'ambassadeur William Gelling a apprécié l'initiative que compte faire le Sénat du Burundi auprès des élus collinaires pour leur demander de noter désormais la situation sécuritaire jour par jour et transmettre dans les meilleurs délais. Il a promis de voir dans quelle mesure le Royaume britannique pourra contribuer pour venir en aide aux populations qui sont affectées par la sécheresse. Il lui a également demandé d'initier une feuille de route des organisations non gouvernementales ou de la société civile pour que la confusion entre partis politiques et déclarations qui sont souvent faites par les sociétés civiles prennent partie soit de la société civile ou de la politique et non moins mélanger les objectifs et les statuts. L'Association pour la défense des droits des prisonniers, Nabariza, remercie le ministère de la Justice et Garde des Sceaux qui vient de mettre en application la mesure de grâce présidentielle de libération de 2500 prisonniers. Cela ressort d'un communiqué rendu public ce mercredi. Cette association invite les autres associations à être sensibles à la précarité des conditions de vie de cette catégorie des gens. Le secrétaire de cette association, honorable Marie-Glorieuse Mukaman. L'association Habariza a l'honneur de réitérer encore une fois ses remerciements à la ministre de la Justice et Garde des Sceaux pour les mesures d'accompagnement prises en vue de mettre en application le décret présidentiel pour relaxer les 2500 prisonniers. À l'endroit de nos frères qui viennent de bénéficier de cette chance divine d'être relaxés, nous leur recommandons ce qui suit. Travaillez pour votre développement, le développement de vos familles et de votre nation. Ayez une bonne compagnie. Écoutez les conseils constructeurs et évitez toute chose qui vous attirerait dans des infractions pouvant vous renvoyer dans la même maison de correction qui vous fait perdre votre honneur et votre santé. L'association Habariza vous promet un soutien moral pour aider à réintégrer socialement vos familles et ne doute point qu'elle pourra intervenir dans l'accompagnement de vos activités quotidiennes pour le développement intégré. L'association Habariza demande avec insistance aux associations des droits de l'homme basées au Burundi et à l'étranger de saisir à la volée cette occasion de démontrer leur défense des droits de l'homme et venir en aide aux personnes vulnérables qui viennent de bénéficier de cette chance. Nous conseillons à nos frères prisonniers qui n'ont pas eu cette chance d'être inclus parmi les relaxés de garder espoir, de se conduire selon les règles d'encarcération. Nous continuons à plaider pour vous pour que vos peines soient commuées. À l'endroit de la police pénitentiaire, gardez à cœur les droits de l'homme et surtout ceux des prisonniers. Accordez les faveurs à qui de droit et ne vous laissez pas emporter en aucun cas par des sentiments qui peuvent détruire et le gardien et le garder. Radio Scolaire Ndelagakura, nous poursuivons cette édition. La baisse sensible du niveau de l'eau des barrages électriques pourra entraîner une pénurie du courant électrique si rien n'est fait à partir du mois de mars. C'est ce que révèle le directeur général de la régie des eaux, Jéroboam Nzikobanyanga, qui prend en exemple le barrage de Rwegura, dont la puissance a chuté de 18 à 8 mégawatts actuellement. Jéroboam Nzikobanyanga dit que la régie des eaux va impérativement procéder au délestage du courant pendant quelques jours. C'est le reportage de Gabriel. Toutes les centrales hydroélectriques qui fournissent du courant électrique de la régie des eaux connaissent un problème de niveau d'eau qui a baissé sensiblement, si bien que la régie des eaux n'est pas à mesure de fournir du courant dont ses clients ont besoin. Sur le plateau, Jéroboam Nzikobanyanga, il est directeur de la régie des eaux. Au moment où ce mardi, il était avec les journalistes au barrage de Rwegura. La régie des eaux connaît un problème grave d'électricité ces derniers moments. La régie des eaux utilise à 99% l'électricité en provenance de centrale hydroélectrique. Alors nous sommes, la pluviométrie a été mauvaise. Maintenant, toutes les centrales hydroélectriques connaissent un problème de niveau d'eau qui a baissé. Jéroboam Nzikobanyanga indique les problèmes qu'il connaît sur le barrage de Rwegura. Ici, nous sommes à Rwegura. La descente de ce lac se chiffre à 9,56 m. Au barrage de Rwegura qui devrait donner normalement 18 mégawatts. À l'heure où je vous parle, il ne donne que 4 mégawatts. Et à 22 heures, nous sommes obligés d'arrêter complètement toute la centrale pour que au moins le niveau d'eau puisse augmenter, pour qu'on puisse avoir ces 4 mégawatts à partir de 6 heures du matin. Même l'électricité qui provenait de la République démocratique du Congo ABC, c'est pourquoi au courant de la journée, vous voyez des coupures intempestives. Si rien n'est fait d'ici mars, nous allons perdre encore 10 MW, mais le gouvernement est au courant, le ministère de tutelle est en train de travailler étroitement avec la régie des eaux pour pouvoir trouver une solution. Sinon, si rien n'est fait, nous allons retourner à l'époque où nous serons obligés d'utiliser une bougie. Nous espérons qu'on ne va pas arriver à cette situation. Il indique aussi que d'ici peu, il va y avoir un programme de délestage, mais ce programme ne sera pas publié de peur que la sécurité soit perturbée. On s'était retenu, mais à la ligne où nous sommes, nous devons procéder très rapidement au délestage parce qu'on ne peut pas donner ce que nous n'en avons pas. C'est la pluviométrie. Continuer à ce rythme. Mais la question de délestage, c'est une question stratégique, c'est une question sécuritaire. La population ne sera pas informée parce que vous savez, le Burundi a aussi des ennemis. On doit protéger la population. Vous savez que tous les barrages hydroélectriques qui fournissent du courant que gère la régie des eaux ont été construits avant 1986. Poursuivons cette édition en page éducation. L'Institut français du Burundi promet de continuer à aider les étudiants qui ont réussi à l'examen d'État, désireux de faire le master en France. Cela a été dit par Stéphanie Solejanski, directrice déléguée de cet institut lors de la publication ce mercredi du programme des activités de ces mois de janvier et février 2017. Selon Stéphanie Solejanski, cet institut compte également aider dans la promotion de l'écrivain. La 6e conférence des pays de la communauté est-africaine sur la recherche en santé publique qui se tiendra prochainement à Bujumbura sera une grande opportunité pour les Burundais d'exposer leurs produits du secteur sanitaire. Ce sont les précisions du président du comité de pilotage de cette conférence, Dr Pierre Claver Kazihise, lors d'un atelier média organisé ce mercredi dans le but de la sensibilisation sur les préparatifs de cette conférence. Dr Pierre Claver Kazihise demande aux opérateurs économiques burundais en matière de santé de se préparer à temps afin de tirer pleinement profit de cette conférence. Suivez Dr Pierre Claver Kazéhis. Cette conférence étant programmée du 29 au 31 mars 2017, il fallait absolument d'abord contacter les professionnels des médias pour que ceux-ci aident à répercuter l'information, pour informer le public qu'effectivement cette conférence aura lieu, que cette conférence est importante, que cette conférence va regrouper les scientifiques et les exposants qui proviennent de 6 pays, donc une conférence importante à laquelle il faut essayer de participer d'une certaine manière. C'est-à-dire, pour ceux qui participent dans leur côté scientifique, qu'ils puissent participer, et ceux qui effectivement peuvent également faire une exposition, qu'ils puissent également participer, profiter de l'opportunité de cette conférence pour que les Burundais puissent aussi montrer leurs produits en rapport avec la santé, notamment les médicaments, les équipements, nos médicaments traditionnels et autres. C'est une contribution en fait à l'organisation de la conférence. Il est prévu que les Burundais et les autres Est-Africains payent l'équivalent de $50, que les étudiants payent $10, bien sûr tout en appelant leurs universités ou leurs institutions de pouvoir les aider quelque part. Ceux qui ne sont pas ressortissants de l'Afrique de l'Est, ils vont participer moyennant $200, et bien sûr ceux qui vont amener des produits pour exposition vont pouvoir payer $250 par jour. Il faut comprendre l'importance de cette exposition, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de monter des produits, non pas seulement à des gens de Bujumbura, non pas seulement à des gens du Burundi, mais des gens de l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire des gens de 6 pays. Ça veut dire ce qu'on aurait exposé ici à Bujumbura va être reconnu jusqu'à Nairobi, va être reconnu jusqu'au Sud-Soudan, va être reconnu en Ouganda, va être reconnu en Tanzanie. C'est extrêmement important quand on veut vraiment élargir son marché. Ceci, c'est par rapport à ceux qui font les affaires dans le domaine de la santé, notamment le domaine pharmaceutique, équipement et autres. Et pour rester dans le domaine de la santé avant de clôturer cette édition. Les éleveurs qui donnent au bétail les restes des plantes qui ont été pulvérisées des produits phytosanitaires exposent les consommateurs à de graves conséquences sur leur santé. Le directeur du département de la santé animale, Deon Sangani Yungami, cite le cas des éleveurs qui, ces derniers jours, donnent à leur bétail les restes de cultures de maïs qui ont été aspergés de pesticides pour les protéger contre les insectes ravageurs survenus au cours de la saison culturelle A. Deon Sangani Yungami demande aux éleveurs de ne plus donner à leur bétail le reste des plantes qui ont été protégées avec de tels produits. Suivez. Ces produits phytosanitaires sont essentiellement destinés à l'utilisation pour la protection des plantes et non pas pour la consommation des animaux. Concrètement, et si ces animaux continuent à consommer du maïs et qui contiennent des pesticides, les conséquences sont très néfastes. Et en premier lieu, quand la concentration de ces pesticides reste très élevés. Les animaux qui consomment ces maïs vont mourir. C'est-à-dire que les pesticides, une fois entrés dans l'organisme de l'animal, il va emprunter la voie sanguine et il va aller jusqu'au niveau de la viande et au niveau du lait. Ce qui fait que pour les animaux, par exemple en lactation, le lait sera très contenant ces pesticides. Et vous savez très bien que le lait est consommé par les humains. Ce sont les adultes qui consomment et en général, et spécialement sur les enfants qui consomment le lait. Mais je vous dis à titre d'exemple que si les enfants, par exemple, moins de 12 ans continuent à consommer en terre lait, contenant les pesticides, c'est que ces enfants dans leurs organismes, ils vont développer ce qu'on appelle l'antibiorésistance. C'est-à-dire que demain ou après demain, si leurs parents vont conduire ces enfants au médecin et si les enfants souffrent d'une telle ou d'une autre maladie, le médecin va leur prescrire un médicament et compte tenu de leur âge, ces enfants ne seront pas guéris par les antibiotiques de leur âge. Pour les femmes, par exemple, enceintes, et qui consomment de la viande, qui consomment du lait, contenant ces pesticides, vous voyez que les conséquences vont directement et se répercuter sur les embryons. Qu'est-ce que nous donnons comme conseil à ces gens-là? Ce maïs n'était pas destiné à la consommation des animaux, autant les faucher et les enterrer dans les compostiers. Envers les éleveurs, je leur demanderai qu'ils continuent à pâturer là où les prairies ou les pâturages sont encore sains. Et c'est donc par ici que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe de rédaction et à Pierre Claver-Nzindukié pour sa collaboration technique. À la présentation, c'était Anne-Marie Kouayo. Continuez à passer une bonne journée à l'écoute de Radio Ndéragakou.